Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le plan de partage de la Palestine est-il voté et adopté le 29 novembre 1947 ? Qu'est-ce que la guerre civile palestinienne, s'interroge l'historien Henri Laurence. Comment les acteurs arabes se trouvent-ils profondément divisés face au dossier palestinien? Que représente le danger de la création d'un État monoconfessionnel au Proche-Orient pour les États arabes? Pourquoi Ben Gourion pense-t-il qu'il faut casser le système milicien? Et quelle est la volonté du leader sioniste de créer un État? Enfin, comment les violences s'enchaînent-elles dans un processus d'escalade opposant les Juifs aux Arabes palestiniens? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, achève aujourd'hui sa grande interrogation de l'hégémonie britannique entre 1926 et 1948 dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux crises d'Orient. Comme nous l'avons vu dans les cours de la semaine passée, c'est la question palestinienne, le premier conflit israélo-arabe, qui a porté un coup mortel à cette hégémonie des Britanniques au Moyen-Orient au début de la guerre froide. Alors que le mouvement sioniste endosse le plan de partage, à l'exception des groupes extrémistes l'Irgun et le Stern, Henri Laurence explique les enjeux du rejet de ce plan par les Arabes dans le volume 4 des Orientales. Tous les Arabes palestiniens sont unanimes dans le rejet du plan de partage de 1947, plus défavorable que celui de 1937. La part juive est plus importante, en particulier dans les régions littorales. Jaffa et Haïfa sont voués à devenir des enclaves en zone juive, et Jérusalem doit être internationalisée. L'État arabe palestinien ainsi proposé et déstructuré est sans véritable classe dirigeante, situation que les experts de l'ONU n'ont pas prise en compte. Le rejet est viscéral de la part de tous, puisque le plan est ressenti comme une injuste dépossession divisant les Arabes de Palestine en trois groupes. Premier groupe, les Arabes de l'État juif, citoyens de seconde zone, alors qu'ils constituent au moins au début une population numériquement équivalente à celle des Juifs et qui risquent de se voir expropriés de leurs terres pour des motifs d'intérêt public. Deuxième groupe, les Arabes de Jérusalem internationalisés, alors que la ville sainte est la référence centrale de l'identité. Troisième groupe, les Arabes de l'État palestinien tronçonné, en partie enclavés et sans centre capable d'exercer une véritable autorité. La perte de territoire s'accompagne de celle de l'identité. Alors pourquoi la contradiction du côté des acteurs arabes repose-t-elle sur le fait de savoir à quel niveau la question palestinienne doit être traitée, au niveau arabe ou au niveau palestinien? Comment arabes et juifs s'arment-ils? Pour les Britanniques, comment quitter la Palestine? Comment, face au déchaînement de violence, les États-Unis imposent-ils un embargo total sur les livraisons d'armes au Proche-Orient le 5 décembre 1947? Quels sont les débats aux États-Unis sur le dossier palestinien au printemps 1948? Comment l'exode palestinien pose-t-il le problème du retour? Mais tout de suite, comment la majorité des deux tiers va-t-elle être constituée pour le vote final du plan de partage de la Palestine en 1947? Et nous gagnons le Collège de France le 16 janvier 2019 pour le cours d'Henri Laurence, aujourd'hui, le plan de partage et la guerre civile palestinienne. Bien, la dernière fois, je me suis un peu étendu sur ce qui précède le 15 mai 48. Donc, de ce point de vue-là, je dirais tout de suite qu'on n'ira pas jusqu'à la fin du conflit de 48 aujourd'hui, je ne ferai que le début. Ce n'a aucune importance puisque vous avez la version détaillée dans le tome 3 de la question de Palestine, beaucoup plus détaillée puisqu'on ne l'en ferait qu'un résumé aujourd'hui. Et d'autre part, l'ensemble du cours que vous avez eu ces deux dernières années va être publié le mois prochain chez Fayard. Ça s'appellera « Les crises d'Orient, tome 2 ». Et donc, dans un mois, vous aurez à vos dispositions les conflits de Palestine jusqu'en 1949, ce qui fait que le cours de l'année prochaine repartira à partir de 1949 et ne reprendra pas donc ce que je n'ai pas traité aujourd'hui. Donc, si vous êtes vraiment angoissé, vous avez la solution. Soit de prendre la version détaillée dans le Fayard, première manière, la question de Palestine, tome 3, l'accomplissement des prophéties, soit la façon résumée dans Christorian, tome 2, publié dans un mois. Voilà, donc ça me permet de pas faire grand-chose dans cette dernière heure, mais enfin quand même pas faire des matinées enfantines. Et on va quand même reprendre le travail. Donc, une fois que les deux rapports, celui de la majorité et celui de la minorité, sont transmis à l'ONU, dans le cadre de l'Assemblée générale, décide de former une commission ad hoc pour étudier le rapport de la commission ad hoc. C'est-à-dire qu'en fait, dans la commission générale, vous avez beaucoup plus d'états que dans l'UNSCOP. La Grande-Bretagne rappelle, une fois pour toutes, le 26 septembre, qu'elle n'appliquera une résolution que si elle est approuvée par les deux parties. Et sinon, elle partira en fermant la porte, en retrait unilatéral. Durant toutes les discussions et négociations à l'ONU, à l'automne 47, le bloc de l'Est coordonne ses actions avec l'agence juive, alors qu'au contraire, les Américains se tiennent en retrait pour ne pas trop apparaître compromis aux yeux des pays arabes. La France va dans le sens de l'abstention, du fait qu'elle est encore une puissance musulmane. Elle l'est depuis un siècle, mais elle ne va plus l'être pour longtemps, et qu'elle ne veut pas s'aliéner l'opinion publique dans ses possessions d'Afrique du Nord. Je rappelle, parce que c'est toujours bon de rappeler, que le droit musulman fait partie du droit français à cette époque, puisqu'il est appliqué dans les départements français d'Algérie, et donc, ipso facto, en métropole pour les ressortissants musulmans des départements français d'Algérie. C'est une incise. Donc les débats sont confus sur la détermination de la fin du mandat. Au refus des Britanniques d'assurer une quelconque transition, s'ajoute l'opposition des États-Unis à l'envoi de forces d'autres puissances sur le terrain, car ça impliquerait la participation de militaires soviétiques. Je rappelle qu'en 1947, il n'existe pas de forces de l'ONU. Et les casques bleus n'apparaîtront qu'en 1956, lors de la crise de Suez. Donc l'ONU peut avoir des moyens militaires, et il y a même un état-major militaire à l'ONU prévu par la charte, mais ce sont des forces qui sont directement fournies par des États, et qui ne sont pas sous pavillon de l'ONU, enfin en 1947 en tout cas. Alors on fait quelques ajustements territoriaux, faisant de Jaffa une enclave arabe, et rattachant Beersheba à la partie arabe, ce qui permet de diminuer le nombre d'habitants arabes à 325 000 dans l'État juif. Le 24 novembre, une proposition arabe soutenue par la France, qui pose la nécessité d'avoir à consulter préalablement la Cour internationale de justice sur la capacité de l'ONU d'appliquer ou de recommander un partage contre le consentement de la majorité de la population, est rejeté en commission par seulement 21 voix contre 20 et 13 abstentions. C'est assez extraordinaire que donc le 24 novembre, l'affaire aurait pu être arrêtée par un vote d'une voix. Et c'était le représentant français Alexandre Parodi, qui était un grand juriste par ailleurs, qui avait fait cette proposition. Donc on est encore loin, le 24 novembre, de la majorité des deux tiers. Du coup, la diplomatie sioniste multiplie les manœuvres dilatoires pour pouvoir obtenir des changements de vote. Ainsi, à Paris, le gouvernement de Paul Ramadier abandonne l'abstention à la suite des interventions des socialistes d'origine juive comme Jules Moch, Léon Blum et Daniel Mayer. Dans cette affaire, les trois se définissant plus comme socialistes que comme juifs d'ailleurs, disant que c'est pour porter secours aux socialistes sionistes qu'ils interviennent. Mais il ne reste pas moins qu'ils sont intervenus dans ce sens. L'autre argument est la crainte de voir les Américains exercer des pressions économiques et financières. Je rappelle, la France est complètement en ruine en 1947. Donc, à ce moment-là, le gouvernement français décide de voter le plan de partage, ce qui peut être considéré comme l'acte de décès de la France comme puissance musulmane quelques années avant la perte de l'Afrique du Nord, même si Auriol dit « on va faire quelques gestes envers les musulmans, on ira faire une bonne parole à la mosquée de Paris, etc. » Enfin bon, ça marque symboliquement le fait que la politique musulmane a cessé de fonctionner à cette date. À l'extérieur du gouvernement, le Parti communiste milite activement pour l'adoption du plan de partage. On peut aussi trouver un certain nombre d'intellectuels, comme Jean-Paul Sartre, par exemple, qui milite très activement pour la cause de l'État juif, avec comme partenaire des envoyés de Palestine, dont il n'a pas vu que c'était des membres de l'Irgun. Ce qui est un peu surprenant quand on connaît les positions politiques habituelles de Sartre. Mais il n'a pas vu que c'était des militants de la droite israélienne, enfin sioniste à l'époque. Quand j'utilise sioniste, c'est simplement parce que l'État d'Israël n'existe qu'à partir du 15 mai 1948. Donc, c'est des questions purement de chronologie. En revanche, l'Église catholique, dont on attendait l'hostilité, ou en tout cas la neutralité, bascule du côté du plan de partage. Pour une raison très simple, c'est le corpus separatum. Puisque Jérusalem et Bethléem devront être séparés de la Palestine pour former un corpus separatum sous direction de l'ONU, et du coup, le Vatican se voit une position forte dans le corpus separatum pour gérer la question des lieux saints de Jérusalem et de Bethléem. Là, c'est du pur 19e siècle. Vous vous rappelez que la guerre de Crimée avait commencé sur une querelle de moines à Bethléem, entre orthodoxes et catholiques. Le fait que l'Église catholique se montre favorable au plan de partage libère les votes des pays d'Amérique latine, qui sont à l'époque très catholiques, beaucoup plus catholiques qu'aujourd'hui. Jusque-là, le département d'État, tout en annonçant que les États-Unis voteraient positivement, s'est abstenu d'exercer des pressions sur les autres votants, puisqu'ils ne veulent pas faire apparaître le projet comme un projet américain, mais comme un projet des Nations Unies. Alors, ce qui va créer la majorité des deux tiers, c'est l'intervention précipitée de la Maison-Blanche. Des pays comme les Philippines ou le Libéria sont menacés de sanctions économiques s'ils votent mal. Et ce n'est pas le département d'État, c'est directement la Maison-Blanche qui appelle les représentants des pays en question. Le même message est passé à plusieurs États d'Amérique latine. On a eu même des achats de votes pour plusieurs dizaines de milliers de dollars de certains pays. Alors, hypocritement, Truman, par la suite, déplorera le rôle de groupe de pression qui risque de dévoyer les Nations Unies. Mais bon, ça, c'est franchement un acte d'hypocrisie. Et le département d'État affirmera que la diplomatie américaine n'a pas exercé de pression, ce qui est tout à fait exact, puisque c'est la présidence des États-Unis qui a exercé les pressions. Lors d'une ambiance où se mélange le sentiment d'être témoin d'un moment historique, le poids des pressions et de la corruption, on arrive au vote final le 29 novembre 1947. Le plan de partage est adopté par 33 voix contre 13 et 10 abstentions. Ce vote se comprend par la convergence inattendue des positions soviétiques et américaines. Ça, c'est un point essentiel. D'ailleurs, on aura dans ces années 47-48, alors que la guerre froide prend de l'ampleur, des convergences absolument inattendues des votes américains et soviétiques à l'ONU. On rappelle, en 48, on aura revenir l'année prochaine, on aura le vote de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le vote de la Convention de prévention des crimes de génocide qui auront lieu malgré la guerre froide. Donc, il peut se produire ce type de convergence inattendue à ce moment-là. Alors, je crois aussi qu'il y a un facteur essentiel qui a pu jouer aussi dans cette période, et ça permet de nuancer ce qui a été d'un côté et de l'autre. Si vous avez dit la fois précédente ou les fois précédentes qu'en Europe, en tout cas, et dans le monde, enfin en Europe essentiellement, la destruction des Juifs d'Europe était encore quelque chose qui était difficilement saisissable par son atrocité et son ampleur pour les gens qui sortent de la guerre, et que le premier réflexe ou la première action en Europe de l'Ouest en tout cas avait été de réintégrer les Juifs dans la communauté nationale, mais du coup cette réintégration faisait qu'on leur refusait en quelque sorte un statut spécifique, parce que leur reconnaître un statut spécifique, ce serait entrer dans la logique des persécuteurs. C'était les positions des gouvernements d'Europe de l'Ouest continentale en 1947. Mais en même temps, moi, il me semble que le débat à l'ONU montre que ce qui n'est pas encore exprimable dans le champ de la politique intérieure l'est dans la politique internationale. D'où une forte sympathie pour la cause juive et le peu de soutien pour les thèses arabes. Donc ça, c'est le premier et grand argument, qui est que on peut parler du génocide, enfin le terme n'est pas utilisé en 47, en politique internationale, on ne peut pas l'exprimer en politique intérieure à cette date-là. L'autre point, évidemment, c'est que la décolonisation a à peine commencé. Elle ne commence qu'en Asie, la dépendance de l'Inde, 15 août 47. Et les choses sont très claires sur les 33 votants pour le plan de partage sont tous des pays de tradition chrétienne, même s'ils appartiennent au bloc soviétique. Tandis que les 13 opposants, un seul, la Grèce, est de tradition chrétienne. Et donc là, le clivage religieux a certainement joué de façon considérable en dépit de l'athéisme proclamé par le bloc de l'Est à cette date. Autrement dit, 5 ans ou 10 ans après, un tel vote n'aurait plus été possible, parce que tout simplement, la décolonisation aurait changé les rapports numériques entre traditions religieuses à l'intérieur des Nations Unies. Alors, immédiatement à l'issue du vote, les représentants des pays arabes refusent de se sentir liés par ce qui est juridiquement une recommandation de l'Assemblée générale. Ils l'estiment contraire à la Charte des Nations Unies. Un membre du Conseil de sécurité refuse de l'appliquer, c'est la Grande-Bretagne. Et une commission de 5 pays est chargée d'assurer la transition, c'est-à-dire la Bolivie, la Tchécoslovaquie, le Danemark, le Panama et les Philippines. Alors, on va donc voir maintenant ce qu'on peut appeler la guerre civile palestinienne, mais qu'il soit difficile de définir autrement, puisque Palestine à l'époque a un sens générique et souvent beaucoup de mouvements pro-sionistes portent le nom de Palestine en Europe. Ça complique la lecture des textes. Il faut vérifier à ce moment-là qui est palestinien. Donc, les Arabes sont contre le projet parce que, d'abord, ça cause une injustice, et ensuite, pour les États arabes, le plan de partage est une menace de déstabilisation interne. Tout simplement parce que l'essentiel des États du Proche-Orient, pas ceux du Golfe, mais enfin ceux du Proche-Orient, sont des États pluriconfessionnels. Et On a déjà vu, quand il y a eu un raidissement chrétien au Liban dans la fin des années 30, certains doctrinaires chrétiens libanais parlaient d'un foyer national chrétien au Liban. Donc, il y a un danger de déstabilisation interne des sociétés arabes par le fait même qu'une communauté religieuse, des juifs, accède au statut d'État doté d'un territoire, parce que ça peut donner l'exemple aux autres. Et ça va être, avec des renversements politiques, jusqu'à aujourd'hui, une hantise permanente que cette question du modèle israélien. Alors, les Arabes sont un peu hypocrites dans le dossier à l'international, parce qu'ils disent le judaïsme n'est pas une nation, c'est une religion, adoptant le discours du monde occidental. Mais en réalité, pour les Arabes du Proche-Orient, il n'y a pas religion, il y a communauté religieuse. Et donc quelque chose qui est au-dessous de la nation, mais qui est plus qu'une union de croyants. Si vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer. Les maronites, les chiites, les alaouites, etc. Ce sont des religions, mais ce sont aussi des communautés avec représentation politique, etc. Donc, si elles veulent accéder à l'État, elles ont le modèle d'une communauté, puisqu'ils considèrent les Juifs comme une communauté, qui est passée par là. Et de toute façon, ils ont tout le rappel des Balkans, puisque dans les Balkans, les communautés sont devenues des États-nations en expulsant les gens des autres communautés. Ce qu'on appelait la balkanisation. Alors, en dehors de l'action donc de l'injustice, du modèle de la territorialisation d'une communauté, vous avez le troisième point, c'est la peur. Le nouvel État aura accès à des sources très considérables de capitaux en devises. Rappelez, on est au moment du dollar gap, cette pénurie de dollars qui entrave tout le système économique mondial de l'après-guerre. Or, le mouvement sioniste, lui, il est financé en dollars par les Juifs américains. Donc, il a des ressources en dollars qui sont infiniment supérieures, enfin, considérablement supérieures aux ressources en dollars des pays arabes. Ce qui est, à l'époque, en 47, un facteur énorme. Et en plus, ils ont une main-d'œuvre de haute qualité dans le futur État juif. Donc, évidemment, ceci provoque aussi des inquiétudes pour les États arabes. Enfin, la question est les revendications territoriales, parce qu'on sait que si les mouvements sionistes ont accepté un plan de partage, il n'en reste pas moins que le programme sioniste comprend l'annexion du Liban Sud, du Golan syrien, de la Transjordanie jusqu'au chemin de fer du Hedjaz et du Sinaï égyptien. C'est dans le programme officiel d'un certain nombre de mouvements sionistes. Et les Arabes le savent, enfin les États arabes le savent, que le futur État juif pourrait avoir des revendications territoriales sur l'ensemble de ses voisins. Alors, la contradiction repose sur le fait de savoir à quel niveau la question doit être traitée, l'arabe ou le palestinien. Les ambitions d'Abdallah sont connues de tous et déstabilisent le système politique régional en voie d'émergence, puisque disons que depuis, en gros, l'arrivée des travaillistes au pouvoir en Grande-Bretagne qui ont décidé de s'abstenir de jouer dans le système politique arabe, la marge d'autonomie des acteurs arabes s'est considérablement accrue. Et donc, à partir de 1945, vous avez la constitution d'un système politique régional arabe autonome, enfin indépendant, même s'il intègre le jeu des puissances. Si la Jordanie quitte la Ligue des États arabes entraînant l'Irak, la Ligue risque de disparaître. Aussi, la stratégie des non-hachémites est de lier le souverain hachémite par des résolutions contraignantes, tout en refusant la constitution immédiate d'un gouvernement palestinien qui, dirigé par un Jamin, serait plus qu'une provocation pour les hachémites, à cause de souvenirs du coup d'État de 1941 en Irak. En cas de recours aux armes, la Ligue des États arabes refuse une participation directe au combat. Soyons clairs, en 1947, l'état des armées arabes est absolument lamentable. Elles servent surtout d'instruments de parade et de maintien de l'ordre intérieur. C'était le défilé de l'armée syrienne à la fête nationale Syrie au moment de l'indépendance. Je crois que c'est un attaché militaire qui demande au président Kouakli enfin, votre armée, elle, c'est pas grand-chose. Ben, il dit, moi, j'en ai besoin que pour la parade du jour de l'indépendance. Ah, donc, c'est pas évidemment les régimes surmilitarisés d'aujourd'hui dont il est question. Les rapports de puissance avec la puissance coloniale et les coalitions de politique extérieure sont catastrophiques. Dans la mesure où successivement le traité anglo-égyptien et anglo-irakien ont été rejetés, les communications militaires entre l'État qui a le monopole de l'armement au Proche-Orient qu'est la Grande-Bretagne par les traités est arrêtée. La Grande-Bretagne ne livre plus d'armes à ses alliés arabes puisque les traités ont échoué, sauf un peu à la Jordanie. Quant à la Syrie et le Liban, ils ont des mauvais souvenirs. Parce que les troupes spéciales du Le Mans du Mandat s'étaient restées aux mains des Français jusqu'en 1945, jusqu'à la crise de l'été 1945. Bon, l'armée libanaise, elle s'était composée à ce moment-là, mais elle faisait un peu millier de soldats sous la direction d'un officier formé par les Français, le général Fouad Chehab. Mais l'armée syrienne, elle restait compromise par le fait qu'une grande partie des officiers avait collaboré avec les Français jusqu'à l'indépendance. Et donc, elle était mal vue par la classe politique. Et d'autre part, le reste de l'armement, c'était de l'armement français. Donc, un an après l'indépendance, elle allait demander des armes à la France, c'était permettre à la France de revenir sur la scène politique syrienne. Ce qui était évidemment non acceptable pour les nationalistes. Ça explique pourquoi les armées sont dans un état aussi lamentable. Quant à l'armée égyptienne, elle avait assisté en témoin à une guerre formidable sur son territoire, à laquelle elle n'avait pas participé durant la Seconde Guerre mondiale, la fameuse bataille du désert occidental. Les Égyptiens étaient ailleurs. Et évidemment, ça avait traumatisé toute cette génération, qui ne souhaitait pas nécessairement se battre avec les Britanniques, ils étaient plutôt prêts à se battre du côté de Rommel. Mais enfin, voir votre territoire devenir un champ de bataille, et vous, qui êtes chargé de le défendre, rester dans les casernes, c'était ça l'armée égyptienne en 1947. Alors la solution que les États arabes vont se donner est de faire une guerre par intermédiaire, c'est-à-dire de favoriser la levée de volontaires arabes venant de l'ensemble de la région qui iront se battre en Palestine, mais qui évitera aux États arabes de participer à la guerre. C'est donc la composition de l'armée arabe de secours, la Jaish-e Nkaval Arabi, dont le commandement est notre vieux copain Fawzi Akaouji, qui revient, je vous rappelle, il avait lutté contre les Français en 1926 en Syrie, puis ensuite contre les Britanniques en 1936 en Palestine, puis contre les Britanniques en 1941 en Irak, et qui avait été en Allemagne le rival de Raja Amin al-Husseini pendant la période de l'exil en Allemagne. Donc Fawzi Al-Kaouji, depuis l'épisode allemand, il est l'ennemi mortel de Raja Amin al-Husseini. Donc pour la direction politique palestinienne, l'armée de secours est composée de gens dont il se méfie politiquement. De l'autre côté, les Husseinis vont lever leur propre milice. Ce sera donc le Courba Sacré de Jihad al-Muqaddas, dont la direction va être donnée au neveu, petit-neveu d'un Jamin al-Samni, Abdelkader al-Husseini, qui est le fils de Moussa al-Husseini. On ne va pas rentrer dans les questions de famille. Mais c'est quelqu'un qui s'est déjà battu en 37-38 contre les Britanniques, qui ensuite s'est exilé en Irak et qui revient maintenant en Palestine prendre les armes et qui deviendra à la fois un excellent combattant et un homme extrêmement populaire. Alors la préparation est totale du côté palestinien, il faut bien comprendre. D'abord parce que tout arabe arrêté en possession d'une arme est condamné à mort et exécuté par les Britanniques depuis 1938. Donc la population arabe a été désarmé. Alors, on essaie de ressortir les armes qu'on a pu avoir dans les caches après la fin de la révolte des années 30. Et puis, on va essayer désespérément de s'en procurer par du trafic d'armes. Et les seules armes qu'on trouve réellement sur le marché, si j'ose dire, c'est tout ce que les armées ont laissé dans le désert occidental. Puisque entre 40 à 43, on s'est battu dans le désert occidental. Et donc, on retrouve des fusils, des mitraillettes, des mitrailleuses qui ont été laissées par les combattants. Mais inutile de vous dire que ces armes sont plutôt en mauvais état et qu'elles ne sont pas de très bonne qualité après rester pendant des années sur le sol du désert occidental. La Libye, c'est une insiste, mais jusqu'à l'époque de Kadhafi, ils avaient raison de le rappeler qu'encore 50 à 60 ans après la fin de la guerre du désert occidental, il y avait encore des Libyens qui en mouraient parce qu'il restait des mines laissées par les germano-italiens ou par les britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. On n'avait pas réussi à tout déminer. Bon, on avait déminé évidemment les champs de bataille, etc. Mais il y avait des tas d'endroits où il restait des mines et qui faisaient encore des morts au début du XXIe siècle. On a donc des armes en plutôt mauvais état. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique, 1926-1956. Aujourd'hui, le plan de partage et la guerre civile palestinienne. En revanche, du côté sioniste, Ben-Gourion a depuis longtemps préparé ce qui pourrait être l'affrontement décisif. Si vous voulez avoir un exemple, le budget militaire d'acquisition d'armes de l'agence juive en 1947 est de 28 millions de dollars en dollars. Ce qui est important puisque les Arabes, eux, n'ont que des sterling ou des francs français, et qui ne sont pas des monnaies convertibles sur le marché mondial à l'époque. Donc, en fait, le budget d'acquisition d'armement de l'agence juive est supérieur à la totalité du budget d'équipement de tous les pays arabes en 1947, pour avoir la proportion. Vous avez parlé tout à l'heure de l'irrédentisme. Là, vous avez le blason de l'Irgun en 1947. Et si vous notez bien, la revendication territoriale, c'est la totalité de la Palestine et de la Jordanie, qui est sur le blason de l'Irgun. Vous noterez aussi qu'une certaine organisation belle-libanaise d'aujourd'hui a un blason assez proche, mais avec une Kalachnikov. Il y a des continuités culturelles au Proche-Orient. Il s'agit du Hezbollah pour ceux qui n'avaient pas vu l'allusion. Ben-Gourion, et ça c'est sa force essentielle, sa grande mission historique, c'est qu'il pense en termes d'État. Il est déjà à l'étape suivante. Dans la mesure où les milices sionistes sont sorties des partis politiques, Ben-Gourion pense déjà qu'il faut casser ce système milicien parce qu'une fois l'indépendance, il risque de se perpétuer. Et donc, d'un côté, la Haganah et surtout les troupes de choc de la Haganah, le Palmar, viennent de la gauche sioniste. Et donc Ben-Gourion va se méfier des miliciens venus de la gauche sioniste, très marxisants à l'époque. Et d'autre part, il ne peut pas accepter la perpétuation à long terme des milices de l'Irgun et du groupe Stern, qu'il considère comme des quasi-fascistes. D'où d'ailleurs le fait que les Hamonestens ont rejeté le plan de partage et revendiquent, comme j'ai dit, la totalité de la Palestine. Donc Ben Gurion va s'appuyer sur ceux qui ont servi dans l'armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite sur l'arrivée de volontaires juifs qui se sont battus dans les armées européennes et américaines durant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y aura des tensions qui se répercuteront pendant des décennies à l'intérieur de l'armée israélienne entre ceux qui viennent de la Haganah et ceux qui ont été venaient de l'armée britannique. Ça, c'est un autre problème. C'est plus d'actualité de deux jours, mais c'est récent. Rabin avait vu sa carrière entravée tant que Ben-Gurion était au pouvoir, parce qu'il était identifié à une milice de gauche en 48. Alors, si le recours aux armes des Arabes était prévu, les événements vont le devancer. La question des responsabilités en histoire est toujours difficile. On appartient au moment historique, on est plus dans le compliqué que dans le simple. Il y a quelques décennies encore, quand vous commenciez une explication, on disait c'est très simple, c'est. Aujourd'hui, vous commencez en disant c'est plus compliqué que ça. Et dans le cas précis, on a vraiment ce point parce que vous avez dit, bon, les Arabes ont refusé et du coup, le conflit est né du refus arabe. Il est incontestable que les Arabes ont refusé. Il a été incontestable que les Arabes étaient prêts à prendre les armes pour lutter contre le plan de partage, mais c'est pas ça qui a provoqué les événements. Ce que vous avez eu, c'est un enchaînement de violences avec un jeu d'escalade des deux côtés. Et donc, dans les événements de la guerre civile, c'est une montée en puissance. Dès le 30 novembre, vous avez des heurts à Jérusalem entre juifs et arabes, mal contrôlés par une police britannique. Il faut bien comprendre que les policiers britanniques haïssent les juifs, puisqu'ils s'en sont fait tuer un paquet d'entre eux dans les mois précédents. Et donc, les violences de Jérusalem provoquent des opérations de représailles de l'Irgun, du Stern, du Haganah contre d'autres quartiers arabes qui du coup enclenchent des opérations de représailles contre des quartiers juifs qui engendrent de nouvelles opérations de représailles. Et donc on a un enchaînement mortel de représailles, de représailles, de représailles. Et ainsi de suite, et c'est très bien expliqué lors d'une rencontre entre Golda Meir, l'un des directeurs de l'agence juive, auprès du haut commissaire britannique en décembre 47, ils nous ont tués, assassinés, nous ne ferons rien, non. Aucune nation ne peut nous demander de rester impassible face à l'agression qui voudrait nous demander cela. Je suis sûr qu'un jugement juste n'irait pas contre nous. Nous nous défendrons, et pour être clair, pas seulement quand ils nous attaquent. Et si des douzaines d'Arabes sont tués, c'est exactement ce que nous voulons. Le problème, c'est que les autres pensent la même chose. Donc, on a entre le 30 novembre et le 31 décembre 47, 450 morts, dont 204 juifs, 208 arabes et 17 britanniques. Les britanniques sont généralement tués par des juifs et non pas par des arabes. À partir du 11 décembre, l'Irgun et le Stern multiplient les attaques contre la population civile en utilisant des voitures piégées ou des mitraillages de rue. Tandis que le 11 décembre, les Britanniques annoncent la fin du mandat pour le 15 mai. Et leurs forces maintiendront l'ordre seulement là où elles sont stationnées. Là, on a un exemple parfait des mécanismes mortels de propagation de la violence dans ce qui se passe à Haïfa le 20 décembre 1947. L'Irgun fait sauter un camion piégé à proximité de l'entrée de la raffinerie d'Haïfa, faisant 6 morts et plusieurs dizaines de blessés chez les ouvriers arabes. Les ouvriers arabes, pris de fureur, attaquent les ouvriers juifs et en tuent 39. La Haganah lance immédiatement des opérations de représailles contre les villages dont une partie des ouvriers arabes sont originaires, faisant 76 morts. Donc vous voyez les enchaînements successifs de violences qui s'engendrent les unes aux autres. Et donc des deux côtés, on utilise la voiture piégée, le camion piégé. Alors, pour ceux qui ont connu ce qu'on a appelé les premières rondes de la guerre civile libanaise de 75-76, c'est exactement le même mécanisme qui se produit en Palestine à partir du 30 novembre 1947. C'est-à-dire que vous avez des ondes de violence qui font basculer à chaque tour, si vous voulez, une zone nouvelle de violence apparaissait. Les violences s'élargissaient géographiquement et touchaient des zones qui, dans les épisodes précédents, n'étaient pas atteintes. Et c'est exactement ce qui se passe en décembre 47, janvier 48 en Palestine. C'est la propagation de la violence et à un niveau totalement local. Alors, pour Bevin, il a été évidemment pris au dépourvu par le vote de l'ONU parce qu'il ne pensait pas qu'il y aurait la majorité des deux tiers. Et pour lui, l'État arabe n'est pas possible à cause de Benjamin al-Husseini. Donc, le problème de la politique britannique, ce sera de quitter la Palestine avec le moins de dégâts possible pour eux. Il faut évacuer 100 000 soldats et fonctionnaires. Plus faire semblant de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures pour ne pas choquer l'ONU et les Américains, tout en faisant comprendre à Abdallah qu'il serait souhaitable qu'il s'empare de la partie arabe. Quand les Anglais essayent d'être un peu compliqués, ils sont très forts pour ça. Alors, Abdallah reçoit, mais il essaie de comprendre le message que les Britanniques lui envoient, parce qu'on ne lui dit pas « vas-y franchement ». On utilise des formules un peu compliquées pour le faire comprendre qu'il serait bien que, il pourrait penser que. Alors, à partir de janvier 48, la guerre prend son caractère définitif. D'abord parce qu'elle s'étend maintenant à l'ensemble des territoires du mandat et que chaque place organise ses propres forces. Spontanément, des milices arabes émergent des villes et des villages. D'abord pour se protéger et ensuite éventuellement pour attaquer. Et là, il faut bien comprendre que le pays est encore arabe en 48. C'est-à-dire que les implantations sionistes sont des archipels de lieux dans une mer arabe. À partir du moment où chaque agglomération arabe dispose de sa propre milice pour se défendre, elle coupe les communications entre les implantations juives. Et donc, vous avez une guerre des longues voies de communication qui va se développer à partir de janvier 1947. Et dans les villes, quand il y a des populations mixtes, chacun s'envoie des voitures piégées chez l'autre, ce qui évidemment ne ramène pas de bonnes relations de cordialité. Alors, à New York, la commission de l'ONU est en train de réfléchir à la constitution des deux États. Et elles se rendent compte qu'un peu tard, qu'il faudrait d'abord qu'il y ait un pays à accéder parce que le pays est en train de glisser de la violence. Alors, gentiment, les gens de l'ONU demandent, on ne pourrait pas envoyer des forces armées rétablir l'ordre. Et les Américains et les Anglais disent, vous êtes fous, il n'en est absolument pas question. Ce que font les Américains le 5 décembre 1947, c'est d'imposer un embargo d'un armement à l'ensemble du Proche-Orient, chacune des parties se trouvant visée. Les Britanniques essayent de résister aux pressions américaines parce qu'ils veulent bien livrer des armes aux pays arabes qui sont quand même liés par traité avec elles. Mais les Américains font pression et, encore une fois, l'économie britannique est dans un tel état, enfin les finances surtout britanniques sont dans un tel état, qu'elle ne survit que par des prêts américains qui sont régulièrement renouvelés. Donc les Britanniques doivent céder. Donc pas d'armes américaines, pas d'armes britanniques à destination du Proche-Orient. Kennan à Washington, lui, est très inquiet parce qu'à force de se massacrer à la raffinerie d'Haïfa, elle est en train d'arrêter de fonctionner. Or, une partie de la stratégie des plans Marshall repose sur l'importation massive de pétrole arabe, et en particulier celui qui est livré par l'oléoduc de l'IPC, donc qui arrive à Haïfa. Compte tenu que le pétrole saoudien n'arrive pas encore à la Méditerranée, puisque la Tapline ne sera construite qu'au début des années 50. Je dis oléoduc, bien que je sais qu'un homme politique français, pour faire plus anti-impérialiste, utilise encore pipeline. Mais bon, moi je me tiens au langage de l'académie. Donc, on a déjà une répercussion en Europe sur les approvisionnements pétroliers de l'Europe. J'avais dit, pour une formule brutale une fois, que la reconstruction économique de l'Europe s'était faite sur le pétrole arabe et les ouvriers émigrés. C'est un raccourci, mais ce n'est pas si faux que ça. Les Britanniques, eux, sont catastrophés, parce que l'arrêt de la raffinerie d'Haïfa, c'est une perte en devise considérable pour l'économie britannique. Alors, on espère... Washington commence à s'inquiéter, le département d'État dit le partage c'est pas possible, il faut remettre une tutelle internationale sur la Palestine pour calmer les gens avant de retrouver une solution définitive. Et donc le 24 février 48, Marshall reçoit instruction, enfin autorisation plutôt qu'instruction de Truman, de considérer s'il n'est pas possible de remettre la Palestine sous tutelle. Ce qui fait que vous allez avoir, par cette action, une accélération des violences, parce que l'agence juive veut absolument empêcher la mise sous tutelle, parce que ce serait la fin de la constitution de l'État juif, et donc il lui faut créer le maximum de faits accomplis avant le vote d'une remise sous tutelle. Alors dans les discussions, je rappellerai simplement la déclaration d'Alexandre Parodi, parce qu'elle va marquer les termes d'un débat qui porte encore jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que j'endosse les positions d'Alexandre Parodi, grand résistant s'il en fut, et grand juriste, mais parce que ça marque exactement dès 1948 ce qui se dit encore aujourd'hui. La révolte ouverte contre une recommandation de l'Assemblée est un acte d'une autre portée que la Charte n'autorise nulle part, qui est essentiellement contraire à la Charte. Bon. L'attitude de la population juive de Palestine et de l'agence juive n'est guère moins décevante. Nous entendrons tous les jours parler d'une guerre de représailles où les meurtres se multiplient. Je suis étonné que l'agence juive n'ait pas mis tous les soins à arrêter des pratiques si voisines du simple assassinat. On vient de nous dire, il est vrai que l'agence juive faisait des efforts en ce sens. Mon étonnement va alors au peu de succès de ces efforts. Les Juifs bénéficient d'un capital de sympathie que leur ont valu les crimes monstrueux de l'Allemagne et l'effroyable extermination dont ils ont été victimes. Mais ce capital de sympathie a déjà été compromis et le sera de plus en plus si les victimes d'hier prennent à leur tour figure de bourreaux. Il va de soi que mes paroles s'appliquent aussi bien aux actes de terrorisme qui se multiplient maintenant du côté arabe. Donc tous ces termes que nous avons aujourd'hui sont déjà exprimés maintenant. Je parle des argumentaires, hein. Et pas de confusion, je n'approuve pas nécessairement ce qu'il dit. Parce que j'ai eu quelques injures sur les réseaux sociaux, sur des contenus de mon cours. Alors, le Conseil de sécurité donc décide finalement des consultations pour éviter et réduire les troubles en Palestine. Et avec une proposition américaine de passer une remise sous tutelle. Mais pour remettre sous tutelle, il faut la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, puisque le Conseil de sécurité n'a pas compétence. Alors, le problème, c'est que si Marshall avait eu l'autorisation de proposer la mise sous tutelle, il n'avait pas dit quand il la proposait aux Nations Unies. Et Truman, qui est en campagne électorale, 48, c'est les années de midterms, donc est furieux parce qu'il n'a pas été prévenu que Marshall allait faire la déclaration. Du coup, il réunit les hommes du président à la Maison-Blanche et les hommes du président lui disent que de toute façon, la création de l'État juif s'impose, les Arabes sont dans la dépendance des États-Unis, ils seront bien forcés de s'incliner, ils ne pourront pas se tourner vers les Soviétiques du fait de l'archaïsme de leur structure sociale et ils ont besoin d'Américains pour acheter leur pétrole. L'Arabie saoudite dépend des États-Unis et non le contraire. Alors pour les diplomates, en revanche, ceux du département d'État, l'établissement d'un État juif créera souffrance et effusion de sang et entraînera de graves dommages pour les États-Unis pour un grand nombre d'années. Donc on a dans le débat américain entre les hommes de la Maison-Blanche qui pensent à court terme qu'on peut passer en force parce que les dégâts sont limités, et les hommes de la département d'État qui pensent que si on s'engage trop du côté de la création de l'État juif, on va avoir des décennies de conflits devant soi. Tel débat à Washington au début du printemps 1948. Alors on se transige en disant la tutelle d'abord et ensuite on revient au partage. Alors pour l'agence juive, tout ça c'est une série de complots destinés à empêcher l'émergence de l'État. Et on a le paradoxe qu'au moment où les Britanniques poussent Abdallah à s'entendre avec les sionistes pour s'emparer de la partie arabe de la Palestine du plan de partage, les sionistes sont absolument convaincus que la Grande-Bretagne fait tout pour s'opposer au partage. Ils n'ont pas compris le sens de la manœuvre britannique. Alors, de toute façon, la mise sous tutelle, c'est une formule magique, parce que ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'on mettra tutelle des Nations Unies que les choses fonctionneront de nouveau en Palestine, puisque les Britanniques, avec 100 000 soldats, n'arrivent pas à les faire fonctionner. Tout ça, c'est un peu de la fantaisie de diplomate de ce côté-là. Alors, on consulte en effet les chief of staff, donc les chefs d'état-major américains, qui répondent qu'au début, il faudrait 104 000 hommes pour établir le plan de partage. Soldats, hein. Alors, il faudrait que ce soit les Anglais qui les fournissent parce que l'armée américaine n'a pas les ressources humaines nécessaires. Tandis que les Britanniques disent, de toute façon, l'État juif, il est de fait là parce que les sionistes ont des moyens militaires bien plus importants que les Arabes et donc, ils pourront passer en force. Alors, c'est presque là que je vais m'arrêter, juste deux points, qui est que la guerre des communications va engendrer le premier exode palestinien. Parce que si on prend l'image que les implantations juives sont des îles et que la mer est arabe, ah ben pour que les Israéliens, enfin les futurs Israéliens puissent tenir, il faut vider la mer. Mais ils ne peuvent pas le faire tant que les Britanniques sont là. Et donc, chronologiquement, il faut attendre le printemps 48, c'est-à-dire au moment où le retrait britannique est suffisant pour que l'armée britannique abandonne une grande partie du territoire, pour que les forces sionistes puissent vider la mer, ce qui explique l'expulsion des populations arabes de Jaffa, Haïfa, au printemps 48. Et ensuite, le combat sur la route de Jérusalem, puisque Jérusalem, enfin, les quartiers juifs de Jérusalem constituent une enclave dans une zone intégralement arabe. Et toute la route entre Tel Aviv et Jérusalem est d'une région où il n'y a que des Arabes. Donc, il faut liquider les villages arabes qui tiennent la route, ce qui conduira aux affaires comme Deir Yassine, pour rétablir la communication entre Tel Aviv et Jérusalem. Donc, dans ce sens-là, les plans d'action antérieurs au 15 mai 48 sont à la fois pour résoudre la guerre des communications que les sionistes étaient en train de perdre, mais en même temps pouvoir constituer l'État avec la continuité territoriale. Mais le problème, c'est que pour les militaires, constituer l'État, donc avoir cette zone ethniquement homogène, c'est en fonction de l'arrivée inévitable des armées arabes. Mais c'est l'exode des Palestiniens qui provoque l'arrivée des armées des États arabes. Si vous voulez, on peut estimer qu'au 15 mai 48, vous avez deux peurs. Vous avez la peur des Juifs de Palestine, du foyer national, d'être anéantis par les armées arabes parce que militairement, ils se sont dispersés, d'où le fait de constituer un espace homogène en chassant la population arabe. Mais c'est en chassant la population arabe qu'on force les États arabes à intervenir militairement en Palestine le 15 mai. Et donc l'un engendre l'autre. Le second point, on pourra discuter éternellement des conditions de l'exode des Palestiniens, compte tenu qu'elles s'opèrent sur 3 ans, entre 47-48 jusqu'au début de 1950. Les dernières expulsions ont lieu au début de 1950. Donc, vous avez des tas de situations différentes. Et vous n'avez pas d'ordre unique d'expulsion. Vous avez à chaque fois des affaires qui ont lieu dans des contextes militaires différents, avec une augmentation des expulsions à faire à mesure que les victoires israéliennes deviennent de plus en plus définitives. Mais s'il n'y a pas d'ordre unique d'expulsion, il y a un ordre unique d'interdiction du retour. Et le débat s'enlise toujours sur les conditions du départ, alors que le vrai problème, c'est de retour. Que des populations fuient des combats, c'est d'une banalité affligeante. La France de mai-juin 40 l'a connue. Des millions de Français ont été sur les routes de l'exode. Le problème, c'est pas que les gens partent,